بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثاني في تفسير سورة البينة. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce deuxième cours dans l'explication de سورة البينة. Le deuxième et le dernier cours inshallah تعالى. فذكر الله تبارك وتعالى الكافرين وتفرقهم فيما يتعلق برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين. الله تبارك وتعالى a cité les incroyants et leur division en ce qui concerne le message du dernier des prophètes, du dernier des donc des prophètes et messagers. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes sont éternellement dans Jahannam, dans le feu de l'enfer. Ceux-là sont les pires des créatures. Ceux-là sont les pires des créatures. فبين الله تعالى أن الكفار مصيرهم إلى النار. الله تعالى a clairement montré que les incroyants, leur destination est le feu. فكيف يقول إن أهل الكتاب مؤمنون. Alors comment pouvons-nous dire après cela que les gens du livre sont croyants? هذا القول مصادم للقرآن. Cette parole s'oppose clairement au Coran, comme on l'a vu lors des cours précédents. ثم بين تعالى أنهم شر الخلائق. Ensuite, Allah Ta'ala, il montre que ceux-ci, donc les incroyants, sont les pires des créatures. كيف لا؟ وقد أعطاهم الله كل ما عندهم ويحيطهم برحمته وأرسل إليهم الرسل يرشدونهم إلى ما ينبغي لهم فعبدوا غير الله تبارك وتعالى وكذبوا برسالة نبيه sallallahu alayhi wa sallam, fahum sharrul khalaiq. Et donc, pourquoi pas? Et donc, ces gens-là sont les pires des créatures, et pourquoi pas? Alors que Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné tout ce qu'ils ont. Et il les couvre de sa miséricorde. La nourriture, la boisson, la pluie, la respiration, il les couvre tabaraka wa ta'ala de sa miséricorde. Il a envoyé vers eux les prophètes, les messagers, afin de leur montrer ce qui est convenable pour eux. Mais malgré cela, ces gens ont adoré autre que Allah tabaraka wa ta'ala et ont traité de mensonge le message de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce sont les pires des créatures. Lidha halul baha'im yawm al-qiyamah khayrun min halil kuffar. Et c'est pour cela que la situation des animaux au jour de la résurrection sera meilleure que la situation des incroyants. C'est asir al-baha'im turaban amma al-kuffar fa fi an-nar khalidina fiha abadan. Et donc les animaux seront changés en terre. Au jour de la résurrection, les animaux seront changés en terre. En ce qui concerne les incroyants, alors ils seront éternellement dans le feu. Ils seront éternellement dans le feu. وَسَيَتَمَنَّوْنَا أَنْ يَكُونُوا كَالْبَهَائِمِ يَكُولُونَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Ils espéreront être comme les animaux. Les incroyants, ce jour-là, ils vont espérer être comme les animaux. Ils diront, si seulement j'étais de la terre. Si seulement je n'étais que de la terre. Thumma dhakara Allah tabaraka wa ta'ala al-mu'minin. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité les croyants. Il dit innal ladhina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khayrul bariyah. Certes, ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions, ce sont eux les meilleurs des créatures. فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم وبين أنهم خير الخلائق. Et donc Allah a fait leurs éloges, il a fait les éloges des croyants et il a montré que ce sont les meilleurs des créatures. Feshatan, bin al-mu'minin wal kuffar. Et donc, les incroyants et les croyants n'ont rien à voir. Hadha huwa kitabullah. Mayyaza bin al-mu'minin wal kuffar tamyizan sarihan. Ceci est le livre d'Allah. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a fait la distinction claire d'entre les croyants et les incroyants. Fait da'wa bi annahu la farqa bayna an-nas hiya fi al-haqiqa da'watun aw da'watul mu'minin ila al-kufri bi kalami rabbil alamin. Et donc la prétention qu'il n'y a nulle distinction entre les gens est en réalité un appel aux croyants à mécroire en la parole du Seigneur des mondes. C'est le fait d'appeler les croyants à mécroire en la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que de dire une telle parole. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مصير المؤمنين يوم القيامة. Ensuite Allah ta'ala il a cité la destination des croyants au jour de la résurrection. وَمَصِيرُهُمْ يُضَادُّ مَصِيرَ الْكَافِرِينَ لِيَدَمِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ. Et donc, la destination des croyants s'oppose, est contraire à la destination des incroyants. Car ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas semblables. Allah tabaraka wa ta'ala a dit جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès de leur Seigneur sont des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Ceci est pour celui qui craint son Seigneur. Lakin, ayyuha al-ikhwa, قبل الكلام على جزاء المؤمنين, هناك أمر ذكره الله تعالى في حال المؤمنين الذين هم خير البرية. Cependant, oh chers frères, avant de parler de la rétribution des croyants, il y a un sujet que Allah tabaraka wa ta'ala a cité concernant la situation des croyants, ceux qui sont les meilleurs des créatures. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Inna alladhina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khayrul bariyah. » Certes, ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions, ce sont eux les meilleurs des créatures. فَقَرَنَ اللَّهُ إِيمَانَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لِأَنَّ الْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ وَلِأَنَّ الْإِيمَانَ يَدْعُ الْإِنسَانَ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ. Allah tabaraka wa ta'ala a fait le lien entre la foi des croyants et les œuvres pieuses. Car les œuvres font partie de la foi. Et parce que la foi appelle l'être humain à accomplir de bonnes actions. فَكَيْفَ يَدَّعِ الْإِيمَانِ وَلَا يَعْمَلُ خَيْرًا. Et donc comment est-ce qu'une personne peut prétendre la foi? Prétendre avoir la foi et ne pas accomplir de bonnes actions. رَجُلٌ لَا يُصَلِّي وَهُوَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى هَلْ يُقَالُ عَنْهُ إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ. Un homme qui ne prie pas et qui est dans la désobéissance à Allah Ta'ala, est-ce qu'on dit de lui qu'il fait partie des meilleurs des créatures? Subhanallah. إذن علينا أن ننصح هؤلاء. Et donc nous devons conseiller ces gens. Ces gens qui délaissent les bonnes actions, qui délaissent les obligations en disant je suis croyant, la foi c'est dans le cœur. Et lorsque tu vois qu'Allah tabaraka wa ta'ala cite ceux qui ont cru dans le Coran, il cite avec eux les œuvres. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions. Fajaza'u ha'ula. أي خير البي خير البرية أنهم في الجنة خالدين فيها أبدا. Et donc la rétribution de ces gens-là, c'est-à-dire les meilleurs des créatures, c'est qu'ils seront dans le paradis éternellement. ولا يطلب أحدهم تغيير حاله واستبدال جزائه بجزاء غيره وذلك من تمام نعيم أهل الجنة. Et aucun d'entre eux ne demande à changer sa situation dans le paradis. Ou est-ce que on échange sa récompense avec la récompense d'un autre. Et cela, par la perfection des délices des gens du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « La yabrouna anha hawla » Ils ne désirent pas changer. Ils ne désirent pas changer de ce qui leur a été accordé. « Wa liyu'alam anna alladhina amanu wa amilu s-salihat » Et il est important de savoir que ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions, ces gens-là sont en plusieurs degrés. Même ces gens-là, les croyants entre eux, ils se distinguent les uns des autres. Ils ont donc plusieurs degrés. Alors comment pouvons-nous dire après cela, que les croyants sont égaux aux incroyants ou sont semblables aux incroyants. Fait tabaqat al-oula hiya tabaqat an-nubuwah wa hiya a'la tabaqat al-mu'minin. Et donc le premier degré est le degré de la prophétie, le degré des prophètes, qui est le plus haut degré des croyants. Thumma tabaqat as-siddiqin وعلى رأسهم أبو بكر الصديق. Ensuite, le degré des véridiques, ceux qui sont véridiques dans leur foi. Et à leur tête, il y a Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, le véridique. ثم الطبقة الثالثة. Ensuite, le troisième degré. طبقة الشهداء. Le degré des شهداء. Ce terme شهداء قيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. Il fut dit que ce terme, shuhada, ce qui est voulu par cela ici, ce sont ceux qui se sont fait tuer sur le sentier d'Allah. وَقِيلَ إِنَّهُمْ أُولُو الْعِلْمِ. Et il fut dit aussi que shuhada, ce sont les gens de science. وَالْمَعْنَيَانِ صَحِيحَانِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ بْنُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et les deux significations sont correctes. Comme l'a dit le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Thumma tabakatu, et tabakatu rabia, ensuite le quatrième degré, qui est le dernier, tabakatu salihin, le degré des pieux, ceux qui accomplissent de bonnes actions. Fa kullu hadhihi tabakat majmou'atun, فقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et tous ces degrés sont rassemblés dans la parole d'Allah تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Et celui qui obéit à Allah et au messager et ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, alors ceux-là sont avec ceux que Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les shuhada, ainsi que les pieux. Et donc nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous ressusciter, de nous placer avec ces gens-là. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il cite aussi dans ce dernier verset un sujet important. Il nous dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Hadha al-amr ayyuha al-ikhwa muta'alliqun bi mas'alatayn. Ce sujet est lié à deux points. المسألة الأولى أن هؤلاء رضوا بقضاء الله الشرعي. Ces gens-là sont satisfaits du décret religieux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont satisfaits de la religion qu'Allah leur a rendue obligatoire. Ce ne sont pas eux qui vont choisir, je veux ça, je prends ça de l'islam, ça je prends pas. Non, ils prennent pleinement, ils se soumettent pleinement à Allah tabaraka wa ta'ala et sont satisfaits de cette religion, sont satisfaits des décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. المسألة الثانية أنهم رضوا بقضاء الله الكوني. Le deuxième point est qu'ils sont satisfaits du décret universel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont satisfaits de ce que Allah leur a accordé comme bien, comme épreuve. Ils sont satisfaits de tout cela. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait d'eux. Car la rétribution de l'acte est conforme à l'acte. Est du même genre que l'acte. Eux, ils sont satisfaits du décret d'Allah. Alors Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait d'eux. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et cela nous appelle, ô chers frères et sœurs, à nous corriger dans cela. Être satisfait du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala religieux et du décret universel. Tout ce que Allah il décrète, ce qui nous atteint comme difficulté, ce qui nous touche, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du tort, tout cela nous devons être satisfaits de ce que Allah nous a accordé et nous repentir quant à nos péchés, patienter dans la difficulté, etc. Et savoir que tout cela est un bien pour nous. Même ce que tu penses qui te fait un tort en apparence, en réalité, c'est un bien pour toi. Tu dois le savoir et le comprendre. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة وهذه الآية فقال ذلك لمن خشي ربه. Ensuite, Allah Ta'ala, il a fini ce verset, il a fini cette sourate en disant ذلك لمن خشي ربه. Ceci est pour ceux qui ont craint leur Seigneur ou pour celui qui craint son Seigneur. هذا الجزاء ليس بالأماني ليس بالكلام إنما ذلك الجزاء لمن خشي ربه. Et donc cette rétribution, cette belle rétribution, cette belle récompense n'est pas par la simple prétention, ce n'est pas par les paroles. Cependant, cette prétention est pour ceux qui craignent leur Seigneur. وَالْخَشْيَةُ مَكْرُونَةٌ بِالْعِلْمِ. Et la crainte, en utilisant le mot al-khashya en arabe, cette crainte est liée à la science. Tu crains Allah tabaraka wa ta'ala avec science. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Certes, parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent sont les savants. Certains gens de science, ils nous disent ici ce qui est voulu, c'est que celui qui craint Allah, il est un savant. Celui qui craint Allah, il est un savant. Et d'autres qu'ils nous disent ce qui est voulu par là, c'est que les savants sont ceux qui ont la crainte d'Allah la plus parfaite. Et dans tous les cas, cela nous appelle donc à craindre Allah tabaraka wa ta'ala et aussi à apprendre notre religion. يجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم ديننا ونخشى الله تبارك وتعالى. Nous devons apprendre notre religion et craindre Allah تبارك وتعالى. On va se suffire de cela pour aujourd'hui, Inch'Allah. On demande à Allah تبارك وتعالى de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرًا.